Merci pour votre accueil ici. D'emblée, une captatio benevolentiae, puisque en reconnaissance pour votre accueil ici, en guise de prélude, j'ai choisi une citation de Nicolas Sarkozy. N'ayez crainte, ça n'est pas ma muse inspiratrice, de même que n'est pas non plus ma muse inspiratrice la dame qui a répondu ici aux questions du journaliste du monde de l'éducation sur l'université joue l'excellence. Mais quoi qu'il en soit, je voulais revenir en guise de prélude sur la déclaration faite par Sarkozy à l'intention des lecteurs et des lectrices de 20 minutes. C'était le 4 avril 2007, qui dit, je me suis senti évidemment interpellé comme helléniste dans un premier temps et comme anthropologue du monde antique, du monde grec antique, vous avez le droit de faire de la littérature ancienne, mais le contribuable n'a pas forcément à payer vos études de littérature ancienne si, au bout, il y a 1000 étudiants pour 2 places. Donc, je crois que là, il n'est pas besoin d'une analyse des discours très subtils, très approfondis, pour démonter l'argument, à l'évidence biaisé, de l'auteur de cette déclaration, mais pour ce qui est le thème, le problème qui est au centre du débat aujourd'hui, je pensais qu'était surtout significative la suite de sa déclaration, donc toujours au journal 20 minutes. Il ajoute « Les universités auront davantage d'argent pour créer des filières dans l'informatique, dans les mathématiques, dans les sciences économiques. Le plaisir de la connaissance est formidable, mais l'État doit se préoccuper d'abord de la réussite professionnelle des jeunes. » Donc, étonnamment, pas d'affirmation ici en jeu, pas d'affirmation assumée par l'auteur de ces mots, pour une promesse qui, à vrai dire, comme ça, superficiellement, devrait susciter l'enthousiasme des universitaires. C'est que dans cette espèce de plaidoyer pour un développement jubilatoire de la connaissance, vous l'avez remarqué, la sélection parmi les savoirs universitaires est tout à fait sévère, elle est tout à fait stricte. Et dans ces conditions, il est sans doute rhétoriquement plus prudent de laisser à l'État, et non pas à celui qui parle en jeu au nom du président de la République, la responsabilité du privilège accordé d'un côté à l'informatique et aux mathématiques et de l'autre, c'est évident, à l'économie. Et ceci pour subordonner le développement de ces 2 ou 3 disciplines, de ces 2 ou 3 champs de recherche et de savoir à une politique d'emploi, c'est-à-dire, en définitive, pour les soumettre au marché. Or, quant au développement des connaissances universitaires, cette déclaration présidentielle, dans sa suffisance, dans ses contradictions d'ailleurs aussi, s'avère n'être que la version abrégée, à la fois la version abrégée et la version populiste, de ce que l'on dénomme à Bruxelles la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, dont le sous-titre est « Pour une économie de la connaissance ». Et là, j'aimerais procéder en historien et faire un peu d'histoire universitaire pour montrer que cette stratégie de Lisbonne pour une économie de la connaissance s'est élaborée en fait en 2 étapes. Première étape. Le 25 mai 1998, à l'occasion d'un colloque qui a été organisé ici à Paris, exactement à la Sorbonne, il s'agissait d'ailleurs de célébrer précisément le 800e anniversaire de l'Université de Paris, se réunissaient les quatre ministres, c'est loin d'être indifférent aussi, les quatre ministres de l'enseignement supérieur d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne et naturellement de la France. Et d'un commun accord, ces quatre responsables politiques décidaient, premièrement, de favoriser les échanges universitaires, de faire converger les systèmes universitaires concernés, et enfin, troisièmement, de définir par conséquent des niveaux de référence communs. À la suite de cette première entrevue, à la suite aussi de cette première intention ministérielle, une conférence a réuni en juin 1999, donc à peu près une année après cette première réunion des ministres à Bologne, à Paris. Donc, seconde réunion à Bologne, des ministres, et de nouveau des ministres de l'éducation supérieure, mais cette fois de 29 pays européens, n'appartenant naturellement pas tous, à ce moment-là, à la communauté. La rencontre, vous le savez, conduit à l'adoption de ce que l'on dénomme la Déclaration de Bologne. La Déclaration de Bologne qui engage ce qu'on a appelé par la suite le processus de Bologne. On est toujours dans cette première étape. Et à cette occasion, dans ce document, Déclaration de Bologne, ce système de convergence, ce système d'échange interuniversitaire qui avait été prévu à la rencontre de la Sorbonne, il est envisagé en termes fondamentalement quantitatifs. Vous en savez les composants, vous en connaissez très bien les paramètres, puisqu'ils ont été réalisés dans les différents pays européens et en particulier ici. D'abord, une organisation universitaire, une architecture universitaire en trois grades: bachelor, master et doctorat. Voyez que ça n'est guère que pour le troisième stade qu'on a évité la dénomination anglo-saxonne. Je pense que PhD, c'était quand même un petit peu trop marqué. Et ce qui est important, c'est que cette architecture universitaire, elle est assortie de chiffres et de chiffres contraignants, ces chiffres que vous connaissez fort bien, c'est-à-dire 3 plus 2 plus 3, entre parenthèses, années. Première chose, mise en place d'un système de crédit dénommé ECTS, de nouveau dénomination anglo-saxonne, European Credit Transfer and Accumulation System, et puis finalement, une organisation des études en semestre, d'une part en semestre, et d'autre part en unité d'enseignement. Ainsi, dit cette déclaration de Bologne, le crédit universitaire garantit la reconnaissance académique des études à l'étranger. On ajoute, il permet de capitaliser, j'insiste évidemment sur ce terme sur lequel je vais revenir, il permet de capitaliser des crédits et de les transférer. Le système entraîne aussi plus de souplesse et de flexibilité. Le système de Bologne, donc, s'inscrit d'une part dans une logique qui est une logique purement quantitative, qui est aussi une logique d'accumulation d'unités et d'accumulation d'unités interchangeables. Rien, absolument rien n'est dit quant à l'évaluation de la qualité du travail correspondant dans ces unités elles-mêmes, dans ce système qui est donc destiné à favoriser la sacro-sainte flexibilité. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un marxiste dogmatique pour constater qu'ici, à la valeur d'usage, on a naturellement substitué la valeur d'échange. Le document ajoute encore que l'espace, je cite ici, l'espace européen, ce qu'on appelle dans cette déclaration de Bologne, l'espace européen de l'enseignement supérieur. Cet espace, donc, est soumis à une logique qui est dite une logique de capitalisation. Le terme revient à deux ou trois reprises dans le document, et naturellement de capitalisation d'unités quantifiables, les crédits. À la création donc libre des savoirs, s'est substitué un marché des connaissances qui, implicitement, me semble-t-il, on peut en discuter tout à l'heure, répond à une logique économiste. Et ce marché, il est fondé sur cette culture de l'évaluation dont les instances universitaires, les institutions de la recherche, enfin, auxquelles désormais autant les institutions universitaires que les institutions de la recherche sont soumises. Nul ne s'étonnera dès lors de voir affirmer parmi les objectifs d'un tel système universitaire unifié les buts pratiques suivants, encore déclaration de Bologne, faciliter la mobilité internationale, flexibilité mais aussi mobilité, augmenter la compétitivité de l'enseignement supérieur, le terme figure en tout cas une reprise dans ce texte programmatique, compétitivité de l'enseignement supérieur, et puis accéder au marché, comme chez Sarkozy, hein, accéder au marché et au marché de l'emploi international. Donc mobilité, compétitivité et marché. On aura évidemment compris que ce sont ici les grands principes de l'économie de marché ou les grands principes de la pensée néolibérale qui sont inscrits dans ce système, qui doivent en quelque sorte modeler le système universitaire européen, et ceci par l'accumulation de profits chiffrés et, dans cette mesure, de profits capitalisables. Par la logique d'un échange mercantile généralisé, par le respect du principe de la concurrence, probablement la concurrence non faussée, ce n'est pas dit en ces termes dans le texte que j'ai relu, mais enfin, en tout cas par ce principe à la fois de la concurrence dans la flexibilité, par la promotion aussi de la compétitivité, c'est-à-dire, en définitive, du rendement, c'est bien l'idéologie, finalement, du marché qui doit marquer le développement de cette organisation universitaire européenne. Deuxième étape. Quant au contenu, ils ne sont, à vrai dire, pas épargnés dans un système qui semble se limiter à imposer, dans la première étape, dans la phase de Bologne, une architecture unifiée, évidemment susceptible de promouvoir la quantification. En effet, en mars 2000, donc une année après la réunion de Bologne et le document qui en est issu, en mars 2000, le Conseil de l'Europe se réunissait en séance extraordinaire à Lisbonne pour élaborer et définir, je cite, une Europe de l'innovation et de la connaissance. Innovation et connaissance. De fait, ces propositions quant à la production de savoirs qui sont dits savoirs innovants, à promouvoir naturellement dans l'Europe du XXIe siècle, ces propositions donnent à la fois un nouveau contexte idéologique, mais aussi un contenu à l'harmonisation universitaire qui commençait à être engagée, qui a été engagée par le processus de Bologne. Ce cadre, l'Europe de l'innovation et de la connaissance, il a été précisé à travers deux documents en 2005, réorienté aussi en 2005 d'abord, en 2006 par ailleurs, et c'est en fait un cadre d'ordre sémantique qui a été donné à l'harmonisation des universités européennes. et il devrait être déterminé dans les documents de 2005 et de 2006 par le développement et les potentialités offertes par les TIC, c'est-à-dire donc par les technologies de l'information et de la communication. Et en effet, ces TIC, ces technologies de l'information et de la communication, représenterait, je cite, un potentiel important pour l'emploi, de nouveau la préoccupation centrale de l'emploi. Repris sous le titre « Une société de l'information pour la croissance et l'emploi », là on a ajouté « croissance à l'emploi », ce qui est loin d'être indifférent naturellement, ce projet de développement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, est donc entièrement soumis d'une part à la logique économiste du marché, mais aussi au productivisme qui lui est attaché. Il s'agit de travailler dans le sens de la promotion, de la croissance, dans le sens symbolisé par ce sacro-saint principe de la croissance, naturellement économique. Promouvoir l'emploi, c'est solliciter une croissance économique fondée sur un principe impliquant l'exploitation sans ménagement, ni pour les ressources naturelles non renouvelables, ni pour ce qu'on appelle désormais aussi significatif les ressources humaines. Il s'agit de soumettre du même coup les secondes au même régime, les ressources humaines, au même régime que ce qu'on appelle par ailleurs les ressources naturelles. Dans cette e-Europe, cette Europe de l'informatique, l'accent sera mis autant, je cite, sur l'accroissement de la productivité économique, que, et je cite encore, sur l'amélioration de la qualité et l'accessibilité des services. Ceci au profit des citoyens de l'Europe. Citoyens au masculin, pas de féminin dans ce document. But général de l'opération, faire des Européens, toujours au masculin, je cite encore une fois les expressions employées, des acteurs de l'économie de la connaissance, dans la perspective d'un, je cite, là, j'ai lu cette expression quand même pour le moins surprenante, quand il s'agit des savoirs universitaires. Donc, acteur de l'économie de la connaissance dans la perspective de ce qu'on appelle un individualisme concurrentiel. Désormais, en relation avec son contenu, la connaissance est subordonnée à l'économie, évidemment à l'économie de marché, et la production des savoirs doit répondre aux critères de la compétitivité. Et c'est la raison pour laquelle on va évidemment privilégier les savoirs qui sont bossés être utile dans cette perspective économiste et productiviste. Deuxième stade encore de cette deuxième étape, puis j'arriverai à deux, trois conclusions. Orientant le développement des connaissances, cette stratégie de Lisbonne n'est pas sans impact sur les institutions appelées à produire ces savoirs nouveaux, ces savoirs pensé comme compétitif. On sollicite donc les universités et on les sollicite d'une part du point de vue de leur structure, on va sans doute le voir tout à l'heure, et d'autre part quant au contenu évidemment à donner au programme offert aux étudiants. Je vous ai dit, il s'agit là d'un document aussi ou d'un cadre d'ordre sémantique et pas uniquement d'un cadre d'ordre structurel. Dans cette mesure, et quant à l'organisation universitaire, la communication du Conseil de l'Europe du 20 avril 2005 recommande, recommande d'une part une réforme de ce qu'on appelle la gouvernance, une réforme de la gouvernance des universités quant à la gestion du personnel et des ressources, de nouveau les ressources, selon des critères allant dans le sens d'une efficacité de fonctionnement accrue, et puis on recommande par ailleurs l'assouplissement du cadre réglementaire pour permettre aux dirigeants d'université d'entreprendre de véritables réformes, toujours les réformes, de véritables réformes, et de prendre des décisions stratégiques. Quant aux nouvelles connaissances, elles-mêmes, elles sont subordonnées, je cite, à leur utilisation par des procédés industriels et des services nouveaux, et ceci pour une diffusion, évidemment, par le biais des TIC. En une expression, il s'agit, du point de vue structurel et du point de vue des programmes, d'améliorer l'enseignement et les conditions de la recherche en, là encore une citation, en instaurant un climat favorable à l'esprit d'entreprise. En instaurant un climat favorable à l'esprit d'entreprise. Donc, je précise, c'est une citation. L'université européenne, donc, pour conclure, sera soumise, du point de vue de son organisation, aux règles du management économique ou du management entrepreneurial, marquée donc par les slogans de l'efficacité, de la bonne gouvernance, de la compétitivité, flexibilité, exploitation des ressources naturelles et humaines, de la synergie encore, je ne l'ai pas encore cité, convergence également, etc., etc. Et du point de vue du développement des savoirs, elle sera orientée vers les technologies par les moyens de l'informatique, essentiellement, et ceci au profit du développement de l'économie. C'est dire donc que l'université de Wilhelm von Humboldt est devenue ici l'université Sarles. La conséquence en France en a été l'introduction en force, à la faveur du régime Sarkozy, de la LRU. Dans une logique de libéralisation économiste, l'introduction de l'autonomie financière signifie la gestion managériale, la gestion entrepreneuriale de l'université. La LRU, d'août 2007, vous le savez, tente à faire du président d'université, en fait, un PDG. Un PDG, on dirait maintenant même un CEO, dans une gestion qui est largement inspirée du quality management et dans cette diffusion étendue dont nous voyons nous-mêmes les conséquences désormais de l'évaluation. Désormais, le président de toute université a par exemple le pouvoir de recruter des CDD, des CDI aussi, et c'est à lui qu'incombe, je cite la loi, la gestion de la masse salariale et du patrimoine immobilier. Non seulement la masse salariale, mais aussi le patrimoine immobilier. Non seulement on s'efforcera d'étendre l'hypothétique collaboration universitaire avec des entreprises privées, mais surtout on soumet les universités françaises, en bonne logique entrepreneuriale, au principe de la gouvernance, au principe de la gouvernance européenne. C'est ce qu'on a appelé les compétences et les responsabilités élargies. Ainsi, et pour conclure, ce ne sont pas que les humanités qui, de fait, sont éliminées d'un monde académique désormais soumis aux exigences du marché, selon le souhait d'ailleurs exprimé par Nicolas Sarkozy, notamment à l'intention des lecteurs de 20 minutes. Mais ce sont, de manière beaucoup plus générale, les sciences humaines avec leurs perspectives transversales, avec leurs perspectives critiques, qui sont marginalisées pour être peu à peu écartées, et pour être peu à peu écartées, parce que, évidemment, dans un tel cadre entrepreneurial, elles apparaissent comme non rentables. Voilà. Et je pense qu'il vous sera assez facile d'enchaîner, si j'en crois le titre de votre propre exposé.